Selon la volonté et l'aspiration unanime des militaires et civils, la Corée a baptisé les 8 merveilles du mont Baekdu, mont ancestral où est empreinte l'âme de la nation du soleil, et prise la racine profonde et solide de la révolution coréenne. Elles comprennent le lever du soleil au mont Baekdu, les autographes au pic Hyangdo, le profil majestueux des chaînes du Baekdu, le blizzard du Baekdu, le pic Tsangun dominant la patrie à 3000 ri, le lac Tsun imposant et majestueux, le rhododendron sous la neige et les ombres du lac Tsun.